faussaire, tricheur, menteur, Monsieur X, qui n'aime décidément pas ce personnage, a tracé la semaine passée un portrait peu amène d'Otto Skorzeny, l'homme qui aurait libéré Mussolini en 1943. Qui aurait libéré? Car selon Monsieur X, si Skorzeny a bien appartenu à l'équipe des libérateurs du Duce, il n'a été nullement à l'origine de cette audacieuse opération de commando, et surtout, il ne l'a pas commandée, contrairement à ce qu'il a raconté plus tard, propagande oblige. En effet, le capitaine SS est devenu, après ce coup de main, l'archétype du combattant nazi, le spécialiste des missions spéciales, l'homme sur qui Hitler pouvait compter en toutes circonstances, légende, oui, incontestablement. Et si cette semaine, nous revenons sur le sujet, c'est que la carrière de Skorzeny après la guerre n'est pas moins intéressante et cache bien des mystères. L'une des clés se trouve peut-être dans le rapprochement qui se fait en 1944 entre le SS et le général Gehlen, qui dirige les services d'espionnage nazis en direction de l'URSS. Gehlen, qui sera plus tard le chef des services de renseignement ouest-allemand et qui, en 1944, participe alors à l'exécution de l'opération Zeppelin, une opération consistant à donner à des prisonniers de guerre un entraînement au sabotage avant de les renvoyer derrière les lignes ennemies. Avant d'écouter la suite de mon entretien avec M. X, je vous propose quelques lignes qui éclairent ce récit et la suite de l'existence de Skorzeny. Elles sont extraites du livre de Hermann Zolling et Heinz Hoene, Le réseau Gehlen, livre paru chez Kalman Levy. En novembre 1944, Skorzeny fut chargé d'implanter une organisation de résistance au sein des arrières soviétiques et de prendre contact avec les partisans anticommunistes. Pour citer les termes mêmes de la section opération de l'état-major général de l'armée, ces derniers devaient comprendre des nationalistes ukrainiens, des restes du mouvement de résistance nationale polonais qui n'avait pas été tout entier dispersé après l'avance soviétique, des groupes de Russes anti-soviétiques existant jusque dans le Caucase et constitués d'opposants au régime, des réfugiés, etc. D'autres groupes de résistance anti-soviétique étaient formés d'éléments non-russes, prisonniers de guerre, déportés, criminels de droit commun. Skorzeny devait donc consulter Gehlen s'il voulait prendre contact avec les partisans. Gehlen, cependant, profita de l'occasion que lui fournissaient les formations spéciales de Skorzeny et les groupes de l'opération Zeppelin pour accroître encore ses sources de renseignements. Il mit au point un plan qui ne visait à rien moins que la concentration des résistants et des informateurs en une seule organisation d'espionnage derrière les lignes soviétiques pour que la recherche du renseignement sur le théâtre même des opérations soit efficace, écrivait-il, il faut lui donner la façade d'un mouvement de partisans. À la lumière de ce texte, il semble que Skorzeny, l'homme des coups de main, soit aussi devenu un spécialiste des opérations anticommunistes, une spécialité qui ne manquera pas d'intéresser les alliés occidentaux lorsque la guerre sera terminée et que la silhouette du nouvel ennemi émergera peu à peu à l'Est. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Vous aurez peut-être l'impression que je me répète, mais Scorzeny avait depuis longtemps pensé à ménager ses arrières. C'est-à-dire à essayer de s'en sortir après la guerre. Exactement. Hein, ouais. En tant qu'officier de la Waffen-SS, il avait tout à craindre. Je pense qu'il pouvait lui être reproché personnellement, mais il ne devait pas avoir les mains très propres quand on connaît tous les crimes perpétrés par cette arme qui était d'ailleurs autant policière que militaire. Scorzeny lui-même pouvait donc être parfaitement considéré comme un criminel de guerre. Absolument. Mais il avait compris que les vainqueurs se déchireraient bientôt et que la compétition était déjà en germe entre l'Est et l'Ouest. Et dans les décombres du Troisième Reich, deux catégories d'hommes seraient particulièrement recherchées. Les savants et les spécialistes du renseignement. Et à ceux-là, à coup sûr, on pardonnerait tout. Oui, afin d'obtenir leur collaboration. Évidemment. Et avant même la fin de la guerre, des deux côtés, on a commencé à faire son marché, si vous me passez cette expression. C'est-à-dire qu'on a repéré les hommes qu'il faudrait faire passer de son côté, quitte à les enlever d'ailleurs. Or, Scorzeny s'était intelligemment débrouillé pour être au confluent de ces deux spécialités, je vous l'ai dit précédemment. Mais dans la première partie de cet entretien, vous avez affirmé, enfin, en tout cas vous le pensiez qu'il s'était occupé des armes secrètes. V1 et V2, oui. Ouais. Mais surtout, vous avez dit qu'à la fin de la guerre, il avait été mêlé aux opérations anticommunistes en URSS. Des opérations dirigées par le célèbre Gehlen, ouais. Un général qui va être très vite récupéré par les Américains, qu'ils vont installer à la tête des services secrets allemands. Donc Scorzeny a bien joué. Ouais. Mais concrètement, quand la guerre se termine, que devient-il ? Il se constitue prisonnier quelques jours après la capitulation. Donc en mai 45. Oui. Mmh. Et bien sûr, c'est aux Américains qu'il choisit de se rendre. Ouais, parce que ce sont les champions de l'anticommunisme. Naturellement, et pourtant, c'était assez risqué. Mais pourquoi ? À cause de l'opération Greffe. Ah oui, le parachutage de ces hommes, là, derrière les lignes alliées dans les Ardennes. Oui, ouais. Des hommes qui étaient revêtus d'uniformes américains en violation de toutes les conventions. Théoriquement, ça pouvait lui valoir de sérieux ennuis. Mais vous allez le voir, Scorzeny va passer habilement à travers toutes les gouttes. Expliquez-moi ça. En 1947, après 2 ans d'internement, donc il est jugé. Et quels sont les chefs d'accusation qui pèsent contre lui ? Essentiellement la part qu'il a prise dans la mise en œuvre de l'opération Greffe. Et son principal accusateur, le colonel Rosenfeld, le qualifie d'homme le plus dangereux d'Europe. Pas moi. Pas moi, non. À ce moment-là, Scorzeny est victime de sa propre légende. C'est l'homme des coups de main audacieux qui comparaît devant le tribunal militaire, le chef des commandos d'Hitler. Alors on s'attend, j'imagine, à ce que la condamnation soit à la hauteur de la légende. Bien sûr, mais très curieusement, des officiers alliés viennent témoigner devant le tribunal. Nous aussi, à l'occasion d'opérations de commando, nous avons revêtu des uniformes de nos adversaires. Donc Scorzeny n'est pas plus coupable que nous. Alors, conclusion. Le colonel Scorzeny est acquitté. Ouais, bah, les dés étaient pipés. À votre avis ? Moi, j'en sais rien, mais c'est à vous que je pose la question. Bon, et puis, les dés étaient pipés. Il ne faut pas oublier que son ami Gehlen, au moment où Scorzeny a été jugé, collaborait avec les Américains depuis presque 2 ans déjà. Gehlen qui a certainement pesé de tout son poids pour que Scorzeny soit libéré au plus tôt. Gehlen qui a certainement fait valoir à ses nouveaux maîtres qu'un homme comme Scorzeny pouvait rendre de grands services au camp occidental. Ce qui signifie qu'il était déjà prévu que Scorzeny lui aussi collaborerait avec les Américains. Bon, j'en suis persuadé. Donc il est libéré ? Non. Ah, Je comprends plus. Là. Vous m'avez bien dit qu'il avait été acquitté, non? Oui, mais Otto Skorzeny était un officier de la Waffen-SS. Et il était difficile de le relâcher comme ça. Donc, on l'interne dans un camp à Darmstadt, en attendant sa comparution devant une cour allemande de dénazification. Mais à mon avis, tout est déjà prêt pour permettre son élargissement. C'est-à-dire? Eh bien, si Skorzeny, par hasard, avait l'idée de s'évader, on fermera les yeux. Comme ça, les apparences seront sauves. Et c'est ce qui va se passer? Exactement. En 1948, au mois de septembre, je crois, le colonel SS prend tranquillement la file de l'air. Bien que faisant plus tard l'objet d'un avis de recherche des Nations Unies, on évitera soigneusement de le retrouver. Donc si je vous entends bien, Skorzeny, à partir de ce moment-là, va travailler avec les services américains. Incontestablement, en parfaite entente avec son grand ami Galen. Puis n'oubliez pas que ce n'est pas un cas unique. Klaus Barbie, un autre redoutable spécialiste des méthodes policières, a échappé des dizaines d'années durant à la justice parce qu'il a été récupéré par les services américains. Il y en a eu tant d'autres. J'ajoute, pour être tout à fait honnête, que de l'autre côté, à l'Est, on n'a jamais répugné à utiliser les talents très particuliers des anciens nazis. Une parenthèse. En 1980, un historien américain, Glenn Infield, a publié un livre, Skorzeny, chef des commandos de Hitler, livre publié en France par les éditions Pygmalion. Infield fait état d'un rapport d'enquête américain sur Skorzeny, établi à la suite d'une question posée par un sénateur au département d'État. J'en extrais ces quelques lignes. Lorsque le délégué de l'état-major de l'armée américaine interrogea le 66e groupe de contre-espionnage américain sur le bien fondé de l'utilisation de Skorzeny, la réponse de ce dernier fut un chef-d'œuvre d'ambiguïté. En raison de son passé et de la réputation qui lui a été faite par la presse ces dernières années, le gouvernement américain peut difficilement favoriser la candidature de Skorzeny sans s'exposer à des soupçons sur le plan international. Toutefois, on ne saurait exclure tout à fait que Skorzeny ait été et puisse encore être utilisé par le renseignement américain. Pour être plus précis, est-ce que Skorzeny appartenait réellement à l'organisation Gehlen, comme on l'a appelé? Oui, je suis formel. Mais il rendait quel genre de service? Ils étaient de deux ordres. D'une part, Skorzeny a permis aux Américains de se livrer à des activités occultes dans des pays où ils ne pouvaient pas apparaître en tant que tels. Par exemple? En Égypte, à cause d'Israël, bien sûr. Mais nous en parlerons plus loin. Et le deuxième aspect, alors? Skorzeny, en parfait accord avec le général Gehlen. Donc avec les Américains? Indirectement, oui. Donc, Skorzeny a mis au point un véritable réseau d'anciens nazis, une vraie toile d'araignée. Et c'est comme cela qu'un beau jour de 1950, nous avons découvert avec stupeur qu'il résidait en France. Thank you. Je voudrais revenir un instant sur le livre de Glenn Infield consacré à Skorzeny. L'historien américain souligne que malgré son acquittement, Otto Skorzeny demeurait sur la liste des criminels de guerre nazis recherchés. Je le cite. Skorzeny figurait sur la liste des Nations Unies depuis février 1948 sous le numéro 20E40-95-48-11 avec les indications suivantes. Skorzeny Otto, citoyen allemand, a commandé un détachement spécial à Wisowice, date et lieu des crimes, avril 1945, à Plochtina. Nature des crimes, meurtre, pillage, destruction effrénée de propriétés privées. Bref aperçu des faits, le prévenu, Otto Skorzeny, a participé à une expédition punitive contre les membres d'une organisation clandestine en avril 1945 dans le village de Plochtina. 27 personnes ont été tuées, leurs biens pillés, leurs fermes brûlées. Infield ajoute toutefois. Or, s'il y eut effectivement un massacre de résistants tchèques à Plochtina dans les derniers jours de la guerre, perpétré par des SS en pleine retraite, la vérité oblige à dire qu'en l'occurrence, Skorzeny n'était pas sur les lieux. Il se trouvait ce jour-là, les preuves existent, dans le secteur de Berlin en train d'essayer de donner un coup d'arrêt à l'avance russe. Il n'en reste pas moins que Skorzeny figurait bien sur la liste des Nations Unies, mais que personne, jamais, ne chercha à l'arrêter. Mais retrouvons M. X. Je l'ai interrompu au moment où il me disait qu'en 1950, Otto Skorzeny a été localisé à Paris. Un mot d'abord. Skorzeny pouvait difficilement rester très longtemps inaperçu. À cause de son physique. Oui. Ouais. Quand on mesure près de 2 mètres, qu'on est taillé comme une armoire à glace et qu'on a le visage balafré, ça me paraît difficile, non ? Je peux tout à fait le concevoir, oui. Et pourtant, quand Skorzeny a été surpris par un photographe d'un journal communiste, ça faisait déjà plusieurs mois qu'il se trouvait en France. Et les services, parce qu'à cette époque, vous travailliez dans les services, non ? Oui, mais j'y viens. Il est évident que la présence de Skorzeny était connue, pour la bonne raison que nos amis américains avaient prévenu les services. Donc la présence sur notre territoire d'un nazi recherché était tolérée, si je comprends bien. C'est malheureusement la vérité. Et vous, l'ancien résistant, là, vous acceptiez ? Oh, je n'en étais pas particulièrement fier, très franchement. Peut-être bien que certains chez nous ont donné des tuyaux à ce photographe qui a surpris Skorzeny à Paris. C'est un aveu ? Pourquoi pas ? Ah. Et que faisait Skorzeny chez nous ? Pour bien comprendre, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. 1950, c'est la guerre de Corée. Et la guerre froide. Naturellement. L'URSS possède l'arme atomique depuis un an, et en Corée, les troupes du Nord viennent d'envahir le Sud. La situation est donc très critique. Et certains imaginent déjà que l'URSS va lancer une grande offensive en Europe occidentale. L'URSS qui dispose alors d'une suprématie militaire écrasante, sur le plan terrestre, bien entendu. Bien, d'accord, mais ça n'explique toujours pas la présence de Skorzeny en France. Mais si, ceux-là même qui s'attendent à ce que les soviétiques nous envahissent tôt ou tard envisagent la riposte, ou à tout le moins la défense. Et tout à fait cyniquement, ils pensent aux anciens soldats de Hitler dont des dizaines de milliers étaient encore prisonniers. Et ils envisagent sérieusement de constituer une sorte d'armée anticommuniste, c'est ça ? Exactement. Une armée qui serait commandée par d'anciens officiers nazis et financée, équipée par l'Amérique. Et c'est là qu'intervient Skorzeny ? Oui, parce que Skorzeny, depuis son évasion, avait reconstitué les réseaux et entretenait des relations avec les chefs nazis exilés. Dans certains cas, il avait même favorisé leur fuite, grâce en particulier au fameux réseau Odessa dont je vous ai déjà parlé. Exactement. Mais la France, pourquoi la France ? Parce que notre pays se trouve entre l'Allemagne et l'Espagne. Je ne comprends pas. Ben, je vous explique. Skorzeny faisait clandestinement de fréquents voyages en Allemagne afin d'y recruter des anciens SS. Et il y séjournait tranquillement, bien qu'il soit recherché, je vous le rappelle. Mais les Américains, et surtout son bon ami Gehlen, assuraient sa protection et lui fournissaient les faux papiers dont il avait besoin. Quant à l'Espagne, qui accueillait déjà de nombreux nazis, elle avait été choisie pour être la base de cette armée anticommuniste. Et cette armée communiste a vu le jour ? Non. Non, parce que je crois qu'il y a eu quelques difficultés entre les États-Unis et l'Espagne. Skorzeny, comme par hasard, va ensuite s'établir en Espagne, qui y fera des affaires. Des affaires ? Oui, l'ancien baroudeur va devenir un homme d'affaires. Mais à l'évidence, c'est pour mieux dissimuler ses autres activités. J'ajoute, mais ça ne vous étonnera pas, que la découverte de la présence de Skorzeny en France a provoqué un véritable tollé. Les organisations de résistants ont crié à juste raison au scandale. Et Skorzeny est parti. Tout aussi discrètement qu'il était arrivé, et sans être appréhendé. Personne, bien entendu, ne voulait être compromis dans une telle affaire. J'arrête un instant le récit de M. X. J'ai en effet effectué des recherches après l'avoir rencontré, et j'ai trouvé dans un livre publié par un ancien directeur de la police sous le pseudonyme de Jacques Lantier, Le temps des policiers, une relation de cet épisode français de la vie de Skorzeny. Je cite Lantier. On n'avait rien trouvé de mieux que de faire venir secrètement à Paris le colonel allemand et de l'installer à Saint-Germain-en-Laye dans la pension Les Cèdres. Il fallait, paraît-il, employer la peste contre le choléra. La guerre étant imminente, il s'avérait nécessaire de trouver en Allemagne un ancien chef hitlérien jouissant de la confiance des SS, de façon qu'il prenne en France la tête des commandos chargés d'organiser la résistance des réfugiés allemands contre les troupes soviétiques. Heureusement pour la paix du monde et de la France, le président du Conseil, Georges Bidault, qui ignorait d'ailleurs tout de cette affaire, avait recruté comme ministre de l'Intérieur depuis quelques jours un homme prudent, le président Queuille. Celui-ci avait eu la sagesse de choisir pour directeur de cabinet l'un des préfets les plus intelligents et les plus avertis, M. Pierre Chaussade. L'affaire fut aussitôt arrangée, non sans balles, mais on avait eu chaud. Et Lantier ajoute quelques lignes plus loin. Tant bien que mal, le scandale se tassa. Une aide mystérieuse permit à Skorzeny de passer en Espagne, puis d'aller s'installer en Argentine. Ainsi s'acheva, du moins dans l'un de ses épisodes les plus singuliers, la préparation de la guerre préventive. Skorzeny va donc faire des affaires en Espagne, c'est bien ça? Tout à fait. L'Espagne franquiste était une terre d'asile naturelle pour les nazis et les collabos, comme elle le sera plus tard pour les activistes de l'OAS. Oui, mais quel genre d'affaires traite-t-il, lui? Skorzeny, je vous l'ai dit, avait anticipé la défaite du Reich. Il n'était pas le seul. D'importants dirigeants nazis avaient compris eux aussi. Bormann, par exemple. Et avant même la catastrophe finale, ils avaient mis au point des filières d'évasion. Oui, Odessa. Odessa, et la fameuse route des couvents italiens. Mais ils avaient surtout fait en sorte d'assurer la survie du mouvement, et la leur, bien sûr. La survie... Leur survie matérielle. Ah, l'argent, oui. Monsieur Pénaud, je crois vous l'avoir déjà dit. Le trésor des nazis, ces tonnes d'or, ces malles de pierres précieuses enfouies au fond d'un lac autrichien. Tout ça, c'est du pipeau. Le trésor des nazis, c'est peut-être encore des sociétés industrielles, des actions, des participations, des dividendes. Or, justement, quelques-unes des plus importantes entreprises allemandes avaient investi en Espagne et via l'Espagne en Argentine. C'est donc pour cette raison que Skorzeny va s'installer là-bas. Bien évidemment, et il y retrouve un homme très intéressant, Hjalmar Schacht. Ça vous dit quelque chose? Oui, c'était un financier, non? Oui, le président de la Reichsbank, fils d'un Allemand immigré aux États-Unis. Schacht avait même été le ministre de l'économie de Hitler, mais lié au conjuré de juillet 1944 qui avait voulu supprimer le Führer, il avait été interné. Lui aussi, il avait anticipé. Exactement, en tant que financier, il avait été l'un des principaux artisans de la victoire de Hitler en 1933. C'est lui qui avait persuadé les patrons allemands d'apporter leur concours aux nazis. Mais quand il avait compris que le Troisième Reich allait perdre la guerre, il avait opportunément changé de monture. Les puissances d'argent n'aiment pas les perdants. Mmh. Et après la guerre, il n'a pas eu d'ennui. Bon, il a été jugé à Nuremberg, mais on s'est empressé de l'acquitter. Ce ministre de Hitler connaissait beaucoup trop de secrets, en particulier les compromissions de quelques grandes sociétés occidentales avec le régime nazi. Il convenait donc de lui rendre la liberté au plus tôt. Oui, c'est là qu'il s'est installé en Espagne. Oui, il s'y est occupé de gérer les intérêts allemands. Ce que vous appelez le trésor des nazis. Tout à fait. J'ajoute que ce financier de haut vol est devenu aussi le conseiller de quelques gouvernements, de pays où, comme par hasard, de nombreux nazis avaient trouvé refuge. Et alors, Skorzeny va travailler avec Schacht. Oui, et grâce à lui, grâce à l'argent allemand, l'ancien baroudeur monte sa propre entreprise. En principe, Skorzeny achète et vend du matériel ferroviaire, du ciment, des machines-outils, etc. Mais sous cette couverture, il s'occupe de toute autre chose. L'import-export peut dissimuler les activités les plus diverses. Il me semble que vous êtes particulièrement bien placé pour le savoir, non ? Bien entendu. Nous allons revenir sur les activités occultes de Skorzeny, activités dissimulées sous la couverture d'une société d'import-export selon M. X. En tout cas, il est vrai que l'ancien SS s'occupe des intérêts allemands en Espagne et en Amérique du Sud, si j'en crois le New York Herald Tribune, dans l'une de ses éditions de novembre 1954. Un article qui confirme en partie les propos de M. X. En voici un extrait. Skorzeny aurait aussi entretenu depuis la guerre des relations amicales avec Hjalmar Schacht, ancien président de la Reichsbank, qui possède une banque privée à Düsseldorf. Parmi ces relations, Skorzeny compte une autre banque privée importante de la Ruhr. La présence de Skorzeny à Buenos Aires, lors des pourparlers qui ont eu lieu récemment entre le président de la République argentine et la firme Krupp, vient d'être confirmée au siège de cette maison à Essen. La maison Krupp était représentée à ses entretiens par M. Eckhard von Maltzahn, venu du siège. Les conversations, dit-on, ont eu pour objet l'examen d'un nombre considérable d'affaires éventuelles que Krupp pourrait entreprendre en Argentine. Cependant, on dément catégoriquement au siège de Krupp à Essen que Skorzeny représentait les intérêts de Krupp au cours de ces conversations. On déclare que ce sont les Argentins et non pas Krupp qui l'ont mis dans le circuit. Skorzeny fait donc des affaires, de très grosses affaires, et il gagne beaucoup d'argent. Mais vous m'avez parlé de couverture. Hein. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça cache là ? Skorzeny n'a pas oublié son passé. Son passé nazi. Bien entendu, et son passé d'homme d'action. Mais encore une fois, il faut faire la part de la légende et de la vérité avec un personnage comme Skorzeny, ce n'est pas toujours aisé. Mais ce qui veut dire qu'il continue à fabuler ? Oui et non. Oui ou non ? Ah, je ne cherche pas à esquiver, mais il était tentant d'attribuer à un type tel que lui des faits ou des projets dans lesquels il n'avait aucune responsabilité. Ah, oui. Donnez-moi au moins un exemple. Eh bien, on a prétendu qu'il avait été chargé par la CIA de préparer un attentat contre Fidel Castro. Et à votre avis ? C'est complètement grotesque. Ah bon ? Même si c'est la vérité, les Américains ont pensé très sérieusement éliminer physiquement le leader cubain. Pourquoi aurait-il fait appel à ce baroudeur vieillissant ? Un homme qui, en plus, ne passait pas inaperçu, non. Tout ça, c'est du mauvais roman. De la même façon, on a aussi dit et écrit que Skorzeny aurait entraîné des commandos palestiniens. Ma connaissance, il n'en a rien été. Oui, mais vous avez quand même dit qu'il avait aidé les Égyptiens, non ? Ça, c'est vrai. Ah, de quelle manière il les a aidés ? Selon toute vraisemblance, Skorzeny leur a d'abord livré des armes. Parce qu'il était aussi marchand d'armes. Eh oui. Et c'est donc ce que dissimulait son affaire d'import-export. En partie, c'est exact. Ouais. Mais Skorzeny ne s'est pas contenté de fournir des armes à Nasser. Il a fait profiter les Égyptiens de son réseau d'action nazie. Ouais. Pour quelle raison ? Les Égyptiens voulaient absolument se doter d'un arsenal de fusées capable d'atteindre Israël. Et les plus compétents parmi les spécialistes en cette matière étaient les Allemands. Ouais. Oui, les savants qui avaient mis au point les V1, les V2... Tout juste. Beaucoup avaient déjà été recrutés par les Américains ou les Russes. Mais certains vivaient toujours discrètement en Allemagne fédérale. Et l'organisation de Skorzeny, sans doute avec l'aide occulte des services du général Gehlen, les a contactés et fait venir en Égypte. Ça n'a d'ailleurs pas dû être très difficile. Ces scientifiques qui avaient collaboré sans état d'âme avec le régime nazi et utilisé la main-d'œuvre des déportés étaient pour la plupart des antisémites convaincus. Mais ce faisant, Skorzeny devenait une cible pour les services secrets israéliens ? Vous avez tout à fait raison. C'est l'un des grands secrets de l'existence de Skorzeny. Un secret inavouable. Ah. Inavouable. Expliquez. Bientôt, je vous le promets. Mais en attendant, transportons-nous en Amérique du Sud, si vous voulez bien. L'Amérique du Sud, terre d'accueil pour les anciens nazis. Naturellement. Skorzeny s'y rendait souvent. Il a même séjourné assez longtemps au Brésil, et surtout en Argentine, où il était très lié avec les Perón. On a même dit que c'était un intime d'Evita Perón. Très intime, même. Vous voulez dire que... Écoutez, j'étais pas caché sous le lit, quand même. Enfin, il paraît, oui, qu'Evita n'était pas insensible au charme très viril de l'ancien SS. Mais c'est une parenthèse. Ou Arago. Comme vous voudrez. En tout cas, il est intéressant de noter que Skorzeny se trouvait en Argentine lorsque les Israéliens ont capturé Eichmann et l'ont ramené vivant en Israël pour le juger. D'accord, mais enfin, je vois pas le rapport entre ce kidnapping et Skorzeny. Skorzeny et son organisation, sa très riche organisation, s'occupaient alors de cacher et protéger les nazis réfugiés en Amérique du Sud et faisant l'objet de recherches. Ils étaient très nombreux. Et parmi eux, il y avait des personnages importants, si importants qu'ils finissaient par devenir un peu encombrants. Ouais, c'est-à-dire qu'il était de plus en plus difficile de les cacher. Oui. Ouais. Et c'était le cas d'Eichmann. Bien sûr. Ouais, ouais. Et une curieuse rumeur a alors couru à Buenos Aires après sa capture par les types du Mossad. Certains ont dit que le grand responsable de la solution finale avait été donné. Donné, vous voulez dire dénoncé? Oui, et le nom de Skorzeny a été prononcé. Et il y a un soupçon de vérité là-dessous? Tout à fait. Mais écoutez bien. L'ancien SS n'a pas dénoncé Eichmann parce que ce dernier devenait trop encombrant, mais parce qu'il était dans la main des Israéliens. Attendez, Skorzeny qui aurait été un agent des Israéliens? Oui, je sais, ça vous paraît peut-être un peu trop gros, mais c'est pourtant la vérité. Le Mossad, lorsqu'il avait appris que Skorzeny travaillait pour les Égyptiens, lui avait mis le marché en main. Où? Vous nous aidez à retrouver quelques dignitaires nazis qui se trouvent en Amérique du Sud, vous êtes mort. Devinez ce que Skorzeny a répondu. Pardonnez-moi, mais j'ai quand même du mal à vous croire. Ah bah tant pis. Oui, mais selon vous, il aurait donné d'autres criminels de guerre? Je sais que Mengele, le sinistre docteur Mengele, devait lui aussi être capturé par les Israéliens, en même temps qu'Eichmann. Mais un cafouillage a eu lieu et Mengele a pu s'échapper à temps et trouver refuge au Paraguay. Par contre, Stengel, l'ancien commandant du camp d'extermination de Treblinka, a bien été découvert et extradé vers l'Allemagne. Donné lui aussi par Skorzeny? J'en suis persuadé, puisque jusqu'au jour où Stengel a été formellement identifié, c'est l'organisation de Skorzeny qui l'avait pris en charge et lui avait même trouvé un travail au Brésil dans une filiale de Volkswagen. Oui, mais vous n'avez pas de preuves. Ou... Parce que vous croyez qu'il existe des preuves dans ce genre d'affaires? Un dernier point qui vous convaincra peut-être. Avez-vous déjà entendu parler d'un certain Hubert Kükürs? Ah non, jamais. Ce Kükürs, qu'on avait surnommé le monstre de Riga, avait été le responsable de la déportation et de la mort de 32 000 juifs lettons. C'était bien sûr un ami de Skorzeny et un partenaire en affaires. Un beau jour de 1965, on a retrouvé son corps dans le coffre d'une voiture à Montevideo. Il avait le crâne broyé. Et vous pensez que c'est Skorzeny qui l'a liquidé? Vraisemblablement. Ah oui, mais pour quelle raison? Kükürs s'était mis lui aussi en rapport avec les Israéliens et il promettait de leur remettre Mengele. A-t-il appris à cette occasion que son camarade Skorzeny était également un traître? C'est probable. Et Skorzeny l'a définitivement condamné au silence. Personne ne devait savoir avant la communauté des nazis que l'ancien chef des commandos de Hitler travaillait en réalité pour Israël. À l'appui de la thèse de M. X, je n'ai trouvé qu'une semi-confirmation dans le tome 2 de l'histoire mondiale du renseignement de Roger Faligaud et Rémi Koffer, ouvrage publié chez Robert Laffont. Évoquant le recrutement des savants nazis par Nasser, ils écrivent « Convaincu de l'ampleur du danger, le chef du Mossad a lancé contre eux des opérations parfois très dures. L'une d'entre elles aurait même abouti au recrutement d'Otto Skorzeny, le plus connu des spécialistes action nazie sous le Troisième Reich. Une révélation du magazine Matara de septembre 1989 qui sert à elle, toujours vivant, ne démentira ni ne confirmera, se contentant d'admettre que le Mossad a bien récupéré certains ex-nazis. Troublant, non? Enfin, je voudrais vous lire ces quelques lignes de Jean Planchet, paru dans Le Monde lors de la parution des mémoires d'Otto Skorzeny. Des lignes qui me semblent indispensables. Surtout, l'auteur de La guerre inconnue, s'il parle beaucoup de sa captivité à Dachau où l'internèrent les Américains, s'il s'apitoie sur le sort des grands dignitaires du nazisme traités sans respect par des geôliers sans éducation, oublie à peu près totalement de parler des camps de concentration, du massacre des Juifs, de la terrifiante mécanique nazie. Il oublie les expériences tentées sur d'innombrables cobayes humains pour donner à ses soldats les moyens de résister au froid ou aux blessures, en feignant de condamner Himmler pour sa bêtise, et en distinguant la SS générale de la Waffen-SS pour faire de cette dernière une chevalerie européenne, il se moque des millions d'hommes, de femmes et d'enfants qu'Adolf Hitler a fait périr avec la complicité directe ou indirecte d'un certain nombre de Skorzeny. Otto Skorzeny est un reître, on ne peut lui demander une pudeur qui n'est pas dans son caractère, mais lui, qui se plaint tant de la triste renommée qui l'entoure, pourquoi n'a-t-il pas choisi le silence ? Un dernier mot. Tout juste, avant les vacances, M. X a abordé une curieuse affaire. La mort du général Ayret dans un accident d'avion en 1968 lors de son départ de l'île de la Réunion. Ce général avait été l'un des pères de la bombe atomique française et l'un des initiateurs de la stratégie militaire de la France, la fameuse stratégie tous azimuts. D'après M. X, il est certain que l'avion a été saboté vraisemblablement en trafiquant le palonnier de l'appareil. J'ai reçu depuis une lettre de la sœur du commandant de bord qui est mort dans l'accident. Madame Abrassard affirme que son frère avait par deux fois demandé au général Ayret de différer son départ qui était d'ailleurs prévu pour le lendemain. La météo était en effet défavorable ce soir-là. Mais le général a insisté pour décoller au plus tôt. Madame Abrassard se demande: qu'avait-on dit à Ayret pour qu'il décide de partir aussi précipitamment ? Autre interrogation à propos de cette affaire qui a fait l'objet d'une véritable censure de la part des autorités militaires. Michel Debré se trouvait à la Réunion en même temps que le général et il devait regagner la métropole dans son avion. Or, Michel Debré a retardé son départ et il a pris ensuite un avion régulier. Autant d'informations intéressantes. Si vous-même avez des lumières sur cette affaire ou d'autres, vous pouvez m'écrire ou m'adresser un message via internet à l'adresse suivante peno@radiofrance.francenet.fr. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous avec Monsieur X.